السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc notre sujet donc d'aujourd'hui avec l'aide d'Allah Azza wa Jal et donc on tourne autour de la science, sa noblesse ainsi que ses bienfaits. Donc c'est une suite de cours qu'on a déjà donné donc dans cette ville il y a quelque temps. فموضوعنا الآن حول العلم فضله وشرفه. والكلام هنا من العلامة ابن القيم الجوزية رحمه الله عز وجل. فهو قد يعني ساق أكثر من 130 وجه لفضل العلم. فقد وصلنا إلى الوجه التاسع أو الوجه عفوا التسعون. Donc les paroles sont de Ibn al-Qayyim rahimahullah. Il a mentionné plus de 130 points pour parler de la science, de sa noblesse et de ses bénéfices. Nous sommes arrivés donc au point 90. Al-ilmu khayrun min al-nawafil. Al-ilmu khayrun min al-nawafil. فهناك ذكر أبو نعيم وغيره عن بعض الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال فضل العلم خير من النفل أو من نفل العمل وخير دينكم الورع. Donc Abu Nu'aym et d'autres rapportent d'après certains compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم qui mentionnent donc la bienséance ou la valeur de la science est meilleure que l'œuvre surérogatoire. Et le meilleur point de votre religion, c'est la crainte. Al-wara, donc c'est le fait de craindre quelque chose qui pourrait te détourner donc de la religion, même si cette chose-là est à l'origine licite. Fa limada, et pourquoi cela? لأن العلم يعلم أو يعم نفسه صاحبه والناس معه، أما العبادة يختص نفسها بصاحبها. Pourquoi cela? Car la science donc sera profitable à celui qui l'acquiert ainsi que les gens qui vont en profiter autour lorsqu'il enseigne cette science donc chez les autres. Tandis que l'adoration sera donc bien spécifique à celui qui va donc la mettre en œuvre. C'est lui qui va donc mettre en application cette adoration. الوجه الحادي أو نعم الحادي وتسعون العلم خشية. العلم خشية. La science est une crainte. La science est une crainte. ما هي الخشية؟ هي الخوف مع العلم. الخشية بمعنى الخوف مع العلم. الخوف من الله مع العلم. Donc la science est une crainte. Et la crainte, lorsqu'on mentionne ici la crainte, on veut dire donc la peur d'Allah avec la science, par science. Marawahu al-Khatib wa Abu Nu'aym wa ghayruhuma an Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu anhu qal ta'allamu al-'ilma fa inna ta'allamahu lillah khashya wa talabahu 'ibada wa mudarasatahu tasbih wal bahth 'anhu jihad. وتعليمه لمن لا يحسنه صدقة وبذله لأهله قربة. Donc Abu al-Khatib ainsi qu'Abu Nu'aym dans le Hilya et d'autres encore mentionnent de Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu. On sait bien que Mu'adh donc est l'imam des savants. On sait que Mu'adh est le plus savant de cette communauté dans le halal d'Allah et le haram d'Allah. Il dit donc, apprenez la science, ta'allamu al-ilm, car son apprentissage est une crainte. Donc elle va faire naître chez la personne la crainte d'Allah Azza wa Jal. Et son apprentissage, sa recherche est une adoration, ibadah, c'est une adoration. Et l'enseigner, c'est du tasbih, c'est le fait de glorifier Allah subhanahu wa ta'ala. Et la recherche de cette science est une jihad, donc ce sont des efforts. Et l'enseigner à celui qui ne la connaît pas, ou celui qui donc ne connaît peu, cette science est une sadaqa, c'est une aumône envers celui qui ne connaît pas. Et l'enseigner à ces gens, donc c'est le fait de se rapprocher, tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bihi yu'rafu Allah wa yu'bad. Bihi yu'rafu Allah wa yu'bad. Par cette science, on va connaître Allah et on va l'adorer. Inni bi tawhidihi, asma'ihi, wa sifatihi, rububiyatihi, uluhiyatihi, kazalika yani al-halal wa al-haram. Donc le fait, on va connaître par cette science Allah et on va l'adorer. Donc on va connaître Allah par le tawhid, lorsqu'on dit les noms et attributs, la seigneurie, la divinité, le licite, l'illicite. Wa ta'limahu wa bihi yuwahhad. Regardez ce que dit donc l'imam des savants, donc Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu, il dit wa bihi yuwahhad. On voit qu'il commence, il insiste donc ici par le tawhid. Et à partir de cela, il sera unifié, subhanahu wa ta'ala. L'anna al-tawhid, yani, asf al-ibada. Car l'unicité unifie Allah Azza wa Jal dans son adoration, et bien, l'origine de cette ibada, de cette risala, de ce pourquoi le Coran était descendu. Wa bihi yu'rafu al-halal min al-haram. Et par cette science, on connaîtra le licite de l'illicite, al-tamyiz, le fait de différencier ce qui est bon et ce qui est mauvais, ce qui est halal et ce qui est haram. Wa tusalu al-arham. Regardez, il montre encore des points importants de la religion, que les liens de parenté sont donc tissés, ils sont liés, ils sont là. Il y a une liaison, il y a des liens donc forts de parenté. Tusalu al-arham. Pourquoi? Parce que justement, donc ce sont des points importants de la religion. Et cela a été donc légiféré par l'islam. وهو الأنيس في الوحدة والصاحب في الخلوة. Et c'est lorsque tu es seul, donc c'est celui que tu recherches, et c'est aussi ton ami lorsque tu es seul. Donc Anis, c'est-à-dire que tu recherches cette sorte même si tu étais seul. والدليل على السراء والمعين على الضراء. C'est aussi donc la preuve ou celle qui te guide au moment de des facilités, et c'est celle qui va t'aider dans les difficultés. Comme une nes, yani yaklakun, hein, hina, yani nazal Allah azza wa jal, yani alayhim al bala. Combien de gens donc stressent, deviennent malades et tout ce que vous pouvez vous imaginer, une fois qu'Allah azza wa jal leur a descendu donc une épreuve, un malheur qui les afflige. Et la science les permet de quoi? De se retenir. La science les permet de patienter et d'être fort face à cette épreuve. Walwaziru عند الأخلاء. Donc le wazir, c'est le mu'in. Le wazir ici, donc, c'est en réalité celui qui va aussi aider donc chez les proches. Lorsqu'on dit عند الأخلاء, lorsque maintenant tu es avec ceux que tu aimes ou autre, et que cette science-là va t'aider. Dans le sens, elle va te donner un statut qui va pouvoir en vérité faire profiter les autres. Walkarib, andal ghuraba. Et il est proche, donc, auprès des gens qui te sont étrangers. Il n'y a pas besoin que tu connaisses les gens lorsque tu as de la science. Bah, imaginez-vous le savant que vous voulez, donc un grand savant d'islam. Il est proche d'énormément de gens qui n'en ont jamais vu. Les gens l'aiment, il a créé, donc il est proche de quoi? Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu donc ce rapprochement? N'est-ce pas que c'est la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'ilm. Vous donnez l'exemple de maintenant, Cheikh Ibn Baz, Ibn Uthaymeen, Cheikh Albani et d'autres, rahmatullah alayhim jami'a. Mathalan. Wa ma'naru sabil al-jannah. Et ce sont donc, c'est-à-dire les minarets, si on peut dire ça comme ça, ou plutôt, donc, celles qui vont, en vérité, donc, c'est-à-dire le fait d'être haut, celles qui vont montrer la voie au paradis. Donc, en vérité, ce sont, en vérité, celles qui vont montrer la voie à quoi? Au paradis. Yarfa'ullahu bihi aqwaman, fayaj'aluhum fi al-khair, qadatan wa sadatan yuqtada bihim. Allah élève, à partir de cette science des peuples, donc des gens, et donc il va les placer dans le bien, et ces gens-là seront quoi? Donc des guidés. Et des gens qui vont donc, non seulement ils sont guidés, mais ils sont commandeurs. Hein? À partir desquels on va être guidé. C'est-à-dire on va les prendre en exemple. Ce sont des exemples pour les gens. Ce sont des exemples pour les gens. Adillatan fil khair tuqtassu asarahum. Ce sont encore une fois donc des guides ou des preuves pour le bien, et les gens suivent leur voie. Ils suivent donc leur voie, leur chemin, leur trace. وَتُرْمَقُوا أَفْعَالَهُمْ وَأَفْعَالُهُمْ تُرْمَقُوا أَفْعَالُهُمْ تَرْغَبُ الْمَلَائِكَةُ فِي خَلَّتِهِمْ بِأَجْنِحَتِهَا تَمْسَحُهُمْ يَسْتَغْفِرُ لَهُمْ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ حتى الحيتان في البحر وهوامه وسباع البر وأنعامه والسماء ونجومها. Donc les gens vont vouloir les suivre par leurs actes, vont vouloir en vérité suivre à la lettre leurs actes, et les anges désirent fortement donc être avec eux, se mélanger avec eux, et aussi les couvrir de leurs ailes, qui vont les toucher, qui vont les caresser, qui vont non seulement les couvrir de leurs ailes, mais qui vont les toucher et les caresser. Tamsahu, chaque chose donc qui soit donc sèche ou qui soit humide, hein, que ce soit même les poissons qui sont dans l'eau, ainsi que tout donc les bêtes qui sont comme les serpents de mer ou quoi, hawamuhu, donc ainsi que aussi les bêtes féroces sur la terre, ainsi que les, donc les autres animaux, l'an'am, donc que ce soit les vaches ou autres, tout cela donc demande à Allah Azza wa Jal pardon pour les gens qui apprennent la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les cieux, ces étoiles, wal'ilmu hayatul quloub min al'ama, et la science est une vie pour le cœur, donc qui était avant cela, donc bien sûr, donc aveugle. C'est le fait que le cœur en vérité ne connaissait pas la guidée. Donc il est comparable à quelqu'un d'aveugle. Et c'est une guidée pour les yeux lorsque les gens sont dans les ténèbres, dans le noir. C'est aussi une force pour le corps alors que celui-ci est faible. يبلغ به العبد منازل الأبرار والدرجات العلى. À partir de cette science, le serviteur donc acquiert ou atteint des degrés des abrar. Les abrar, ce sont les pieux qui sont proches d'Allah Azza wa Jalla. Ce sont al-muqarrabun, ceux qui sont proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc al-bir, lorsqu'on parle du bir, on sait bien que dans sourate al-Baqara, un verset qui est à peu près au milieu de la sourate al-Baqara, laisse le birra antuwallu ujuhakum qibal al-mashriq wal-maghrib, voilà qu'il y a le birra, et vous avez vu tous les actes qu'il y a après dans ce verset. Et tous ces actes-là, à partir de la croyance, les actes, ainsi que les relations, tout cela font partie du birra. C'est pour ça qu'on dit les abra. Donc c'est les gens en vérité qui ont atteint un niveau, et qui sont proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tafakkuru fihi yu'dalu bis-siyam. Le fait de méditer sur cette science équivaut au jeûne. Et l'enseigner, le fait de l'apprendre, équivaut au fait de prier et d'invoquer Allah Azza wa Jalla la nuit. وهو إمام العمل. Et c'est lui l'imam pour l'acte. Donc tu apprends, tu sais comment il faut adorer, et après tu mets en application. Donc c'est l'imam, c'est celui qui va en vérité montrer comment on va donc mettre en application. وَالْعَمَلْ تَابِعُهُ Et l'acte le suit, ne vient qu'après. Tu ne peux pas avoir d'acte religieux, c'est mis en application, ne sont qu'à travers la science que tu as apprise. يُلْهَمُهُ السُعَدَى وَيُحْرَمُهُ الْأَشْقِيَى Va en vérité en profiter, donc réellement que ceux qui sont heureux, السُعَدَى, on les appelle السُعَدَى, ils sont heureux d'avoir pris cette part, donc de science, et ils seront privés, الْأَشْقِيَى, les malheureux. وَهَدَى الْأَثَى يَنِي الْمَعْرُوفِ يَنِي عَنْ مُعَاذِ رَجَى اللَّهُ عَنْهُ Et vous remarquez que ces paroles de Mu'adh sont en concordance avec plusieurs hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam vis-à-vis des bienfaits de la bienséance de la science. Le wajhu al-thani wa tis'un, le 92e point, darajat talib al-ilm, darajat talib al-ilm, les niveaux ou les degrés, la haute place de celui qui recherche la science. طالب العلم ما رواه يونس ابن عبد الأعلى عن ابن أبي فديك حدثني عمرو ابن كثير عن أبي العلاء عن الحسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيى به الإسلام فبينه وبين الأنبياء في الجنة درجة النبوة وهذا الحديث إن رواه ابن عبد البر في الجامع إلى آخره لكن هو مرسل ضعيف هذا الحديث مرسل وهو ضعيف ما دام ذكر في هذا الكتاب نقرأ donc ce hadith où Al-Hassan rapport du prophète sallallahu alayhi wa sallam celui donc dont la mort lui survient alors qu'il est en train d'apprendre la science afin d'y faire vivre l'islam. Il n'y a donc entre lui et les messagers au paradis que le degré donc, du fait d'être messager, Nubuwa, le fait d'être messager. Ce hadith, il est da'if. Là, comme il dit donc, il dit donc, فَلَيُبْعَدُ مَعْنَاهُ مِنَ السِّحَّةِ Mais son sens, donc, n'est pas loin d'être vrai. Son sens, en réalité, donc, est proche de la réalité. Son sens est proche de la réalité. فَإِنَّ أَفْضَلَ الدَّرَجَةُ النُّبُوَى وَبَعْدَهَا الصَّدِّقِيَى وَبَعْدَهَا الشَّهَادَى وَبَعْدَهَا الصَّلَاحِ Car le meilleur des degrés, c'est le degré donc de la prophétie. Et après ce degré, donc des véridiques, c'est le degré des véridiques. Et après celui-ci, celui des martyrs. Et après celui-ci, celui des personnes pieuses. الصالحين. Les personnes pieuses. وهذه الدرجات الأربعة ذكرها الله عز وجل في كتابه في قوله ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا Donc ces degrés sont connus et sont mentionnés dans sourate An-Nisa verset 69 celui qui obéit à Allah et à l'envoyé donc ça c'est un shart t'obéir à Allah et à l'envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala Ceux-là seront donc avec ceux dont Allah a comblé de ses bienfaits parmi les envoyés, ainsi que les véridiques et les martyrs et les personnes pieuses, et ceux-là ont de bons, en vérité, donc amis ou de bons proches, en fait, donc de bons compagnons. Soit An-Nisa verset 69. Et lorsque vous parlez de Nabiyin, vous pensez au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Siddiqin, degré juste en dessous, c'est qui Abu Bakr Siddiq, Shuhada, Omar. Othman, Ali, Salihin, donc tous, hein, beaucoup de Salihin parmi ceux qui viennent après cela. Donc réellement, donc en vérité, celui qui réellement apprend l'islam, la religion d'Allah Azza wa Jalla, afin de la faire revivre, et de l'enseigner aux autres pour la faire revivre, donc aura donc une très haute place auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Wajhu, Al-Thalithu, وتسعون. Le 93e point. العلم الحسنة في الدنيا. العلم هو الحسنة في الدنيا. Donc la science est الحسنة, la bonne action ou les bons points. Où ça? Dans la vie d'ici-bas. قال الحسن في قوله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة. في سورة البقرة الآية 201 هي العلم والعبادة. هي العلم والعبادة. وفي الآخرة حسنة هي الجنة. هي الجنة. وقال ابن القيم رحمه الله هذا من أحسن التفسير. هذا من أحسن التفسير. فإن أجل الحسنة الدنيا العلم النافع والعمل الصالح. Pourquoi? Donc ici, le Hassan dit, rahimahullah, donc par rapport au verset Rabbana atina fi dunya hasana, oh notre Seigneur, donne-nous donc des bonnes choses, des bonnes actions, des bonnes choses donc dans la vie d'ici-bas. Dans le tefsir, ou parmi les tefsirs plutôt, parce qu'il peut des fois on retrouve plusieurs tefsirs différents, mais ils ne sont pas contradictions, ils se rejoignent tous les uns les autres à partir du moment qu'il n'y a pas de contradiction. Ils se rejoignent. Et on profite de tous. Donc ici c'est al-ilm ou al-ibada, la science et l'adoration. Wa fil akhirah hasana, et aussi les bonnes choses dans l'au-delà, c'est al-jannah. Al-wajhu al-rabi'u wa tis'un. Le 94e point. Oh, 94. Al-ilmu bita'allum. Al-ilmu bita'allum. La science donc est par l'apprentissage. قال ابن مسعود رضي الله عنه عليكم بالعلم قبل أن يرفع ورفعه هلك العلماء فوالذي نفسي بيده لا يودن رجال قتلوا في سبيل الله الشهداء أن يبعثهم الله علماء لما يرون من كرامتهم وأن أحدا لم يولد عالما وإنما العلم بالتعلم رواه الدارمي وعبد الرزاق وابن عبد البر والبيهقي كذلك. Donc Abdallah ibn Mas'ud radiallahu anhu, tout en sachant que ce compagnon donc est un grand compagnon parmi les compagnons vis-à-vis de la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous remarquez que souvent ceux qui ont grandi donc dans l'islam, c'est les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam wa ridwan Allah alayhim, comme Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, Ibn Omar, Aïcha, Anas, Abu Hurayra et autres, étaient jeunes. Donc ils ont trouvé bien sûr la facilité d'apprendre l'islam. Et la jeunesse souvent le pousse à vouloir en vérité apprendre. Il y a une force dans la jeunesse. Et on voit les résultats. Et on a vu les résultats, alhamdoulilah, que énormément de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont été rapportés par ceux que j'ai mentionnés. Donc Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, a dit, donc, alaykum bil ilm. Apprenez la science. Et on sait que dans l'usul alaykum, c'est un ordre. C'est pas obligé que ce soit un ordre, mais c'est une forte recommandation. Alaykum anfusakum, c'est un ordre. Donc alaykum bil ilm, qab an yurfa. Prenez la science avant qu'elle soit levée. Et elle est levée par quelle façon? Halak al ulama. Une fois que les savants meurent. Une fois que les savants meurent. Par celui qui détient mon âme entre ses mains. Des hommes qui ont été donc tués fi sabilillah, des shuhada, donc des martyrs, voudraient, certes ils voudraient, ici l'ami de Tawqid, l'âme Tawqid, et Nun Tawqid à la fin, ils voudraient qu'Allah Azza wa Jal, donc ils sont morts dans le sentier d'Allah, shuhada, fi sabilillah, ils voudraient qu'Allah les ressuscite, les remette sur terre, et qu'ils fassent d'eux des ulama. Tellement ils ont vu en eux quoi? La noblesse, le karama, la noblesse donc justement chez les savants. Et personne ne n'est savant. Comme il dit, personne ne n'est savant, certes la science est par l'apprentissage. Certes la science est ici donc par l'apprentissage. Donc il veut bien, on comprend par ce message, que les personnes doivent faire donc des efforts pour pouvoir en vérité atteindre un niveau de science. Il faut faire des efforts. El wajhu el khamisu wa tis'un. Le 95e point. Bain al ilm wa qiyam al layl. Donc ici les relations qu'il y a entre la science et le fait de prier la nuit et d'invoquer la nuit. Qala ibn Abbas wa Abu Huraira radiallahu anhum. وبعدهما أحمد بن حنبل تذاكر العلم بعد الليلة أحب إلينا من إحيائها، رواه عبد الرزاق والدارمي وابن عبد البر. Donc ici, Abdallah ibn Abbas, radiallahu anhuma, turjuma le Coran. Donc celui, le compagnon qui connaît mieux l'explication du Coran, Abdallah ibn Abbas, radiallahu anhuma, celui, donc après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, où on remit énormément vers lui, donc à Mecca, parce qu'il est resté à Mecca et les alentours, il a même vécu en dehors, Taif et du côté de Jeddah. Il a dit, donc ils ont dit ici, soit ibn Abbas, que ce soit Abu Huraira, vous le connaissez, donc aussi, et même Ahmed, rahimahullah, on dit, le fait d'apprendre la science, ne serait-ce qu'une partie de la nuit, est meilleur pour nous que le fait d'y prier ou d'y invoquer, quoi. Ifriya'uha, bil-qiyam, bis-salat wa al-du'a. Le fait donc d'y prier et le fait d'y invoquer Allah Azza wa Jalla, alors qu'on sait que c'est des moments propices. C'est parmi les meilleures adorations, c'est les meilleures nawafil, et c'est vraiment des adorations qui prouvent donc que ici, les khawas, les personnes bien spécifiques à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas donné à tout le monde. Le wajhu, al-sadisu wa tis'un. Donc le 96e point, ata'ullahi ibadihi ahli al-ilm. Donc le don d'Allah Azza wa Jal, donc envers ses serviteurs, donc c'est les gens de science. An Omar radiallahu anhu, ayyuha an-nas, alaykum bil ilm. Omar qui dit ça, Farouk hadi al-umma. Donc celui qui dit ça, les choses de cette communauté. Ayyuha an-nas, alaykum bil ilm. فإن لله سبحانه رداء يحبه فمن طلب بابا من العلم رده الله بردائه فإن أذنب ذنبا استعتبه ليلا يسلبه رداءه ذلك حتى يمد به. عمر رضي الله عنه dit aux gens, apprenez la science, je recommande fortement, certes Allah عز وجل a un rida, donc hein, vous connaissez l'izar, c'est le pan qui est en bas. Rida, c'est ce qu'on met au-dessus. Donc, par rapport au rida. Allah, il a un rida. Rida ouhu, Allahu a'lam bil kayfiyya. On ne sait pas, bien sûr, comment est le rida d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il aime. Et celui qui recherche ne serait-ce qu'un chapitre de la science, Allah, donc, le recouvre de son rida. Le recouvre de son rida. Et si il commet un péché, Allah donc lui facilite donc la taouba. Il lui facilite ici la taouba, le fait de revenir. Afin que quoi? Afin qu'il ne lui enlève pas ce pan. Jusqu'à ce qu'il meure donc avec ce pan. Ou plutôt donc ce rida. Qu'il meure avec ce rida. Donc vous voyez comment qu'Allah Azza wa Jalla facilite. Ils les aiment tellement, ils sont tellement importants. Ils sont tellement importants pour la communauté qu'Allah leur facilite la taouba pour qu'ils reviennent. Ce sont des hommes comme tout le monde. Donc ils ont droit au péché comme tout le monde. Donc chacun a sa part de péché. Al-wajhu al-tasi'u wa tis'un. Mawtul alim wa mawtul abid. Le 99e point. La mort du savant et la mort de l'adorateur. Kazaika an Omar radiallahu anhu. Mawtu alfi abidin ahwanu min mawti alimin. بصير بحلال الله وحرامه. عمر رضي الله عنه donc il dit bien la mort de 1000 adorateurs, de serviteurs d'Allah Azza wa Jal, est plus facile que la mort d'un savant clairvoyant dans ce qui est halal, le halal d'Allah et son haram, dans le licite et l'illicite. Il est basir, il est savant, il est donc clairvoyant dans ce qui est halal et haram. Car lui, il fait profiter la communauté. Et son profit ne s'arrête pas à 1000 personnes, elle s'arrête des fois, elle touche des fois, donc le continent, ou le monde entier. Le monde entier. C'est plus facile. Car lui, lorsqu'il meurt, il meurt. Et c'est la science avec laquelle il est venu, qui est parti. Et vous savez bien que les compagnons du prophète, radhiyallahu anhum, ont énormément pleuré la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Pas juste par rapport à sa mort, mais aussi parce que certains ont mentionné parce que la révélation ne descend plus. Hein, donc la révélation n'est plus descendue. Ils ont été touchés par ça, par le fait que la science, non, voilà, elle ne descendait plus. Donc, ووجه قول عمر أن هذا العالم يهدم على إبليس كلما يبنيه بعلمه وإرشاده أما العابد فنفه مقصور على نفسه. Donc ce savant casse et détruit ce que Iblis fait. Tout ce que Iblis, Shaitan, donc, propage et envoie comme science et montre comme mauvais chemin, le savant vient détruire cela. Tandis que l'abid, il va profiter, mais son profit s'arrête généralement à lui-même. S'arrête donc de façon générale à lui-même. Le 98e point. كل يوم بزيادة علم. Chaque jour avec donc un ajout, un rajout, un gain dans l'apprentissage de la science. قول بعض السلف إذا أتى علي يوم لا أزداد فيه علما يقربني إلى الله تعالى فلا بورك لي في طلوع الشمس ذلك اليوم. Certains salaf, on comprend bien sûr ici qu'on a affaire aux savants, aux ulama, disait si m'est venu un jour où je n'ai pas donc profité de la science, je n'ai pas en vérité augmenté, on va dire, ma science qui me rapproche d'Allah Azza wa Jal, donc il ne m'a pas été bénéfique, donc je n'ai pas reçu de bénédiction, donc ce jour-là. Je n'ai pas reçu donc de bénédiction ce jour-là. Vous voyez donc le manque de science, le manque de gain de science, c'est un manque de baraka. وقد رفي هذا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعه يعني اله باطل. Et c'est pas une parole du prophète صلى الله عليه وسلم, c'est une parole de Ba'al Salaf. اذا مر بي يوم ولم استفد هدى ولم استفد علما فما ذاك من عمري. Certains salaf disaient dans les poésies, si un jour me passe alors que je n'ai pas profité pour avoir une guidée et je n'ai pas appris de la science, donc ces jours-là ne font pas partie de ma vie. Ces jours-là ne font pas partie de ma vie. Pour eux, c'est comme si c'était des journées de mort. C'est des journées mortes pour eux. Naam. Wa qala ba'd as-salaf, ou plutôt là, donc c'est loi, j'ai le 99e point. Al-imanu famaratuhu al-ilm. La science a comme porte comme fruit, donc la foi plutôt, porte comme fruit la science. Qala ba'd as-salaf, al-iman uryan. ولباسه التقوى وزينته الحياة وثمرته العلم. Certains prédécesseurs ont dit donc la science est nue, elle est dénudée, et son habit est la crainte, et sa beauté est la pudeur, et son fruit est la science. Donc ici on voit que on comprend ici que la foi doit être accompagné donc de crainte, de pudeur et quoi, et de science, afin qu'elle soit donc complète, qu'elle soit justement bien. Le wajhu miya. Le 100e point. Al-ulama humun nes. Les savants sont eux les gens. Sont eux les gens de mérite. Qalu ibn Mubarak. Abdallah ibn al-Mubarak. Rahmahullah. Et les gens connaissent Abdallah ibn Mubarak pour tout. C'est un exemple, Ibn al-Mubarak, pour tout. Pour sa science, pour son adoration, pour aussi sa gentillesse. Il va au Hajj, c'est un organisateur de Hajj. Il organise le Hajj, il part avec les gens, il prend les bourses de tout le monde, il tient l'argent de tout le monde, et quand tout le monde rentre au pays, une fois que tout le monde est rentré, il rend la même somme. Il a tout dépensé de sa poche. Il t'a pris 100, il te rend 100, t'as fait le Hajj, hein, et pourtant tu retournes avec 100 dans tes poches. Alors qu'il a acheté les cadeaux, il a tout fait. Il organisait tout, il tenait même l'argent, il rendait tout. Il ne s'arrêtait pas à sa sincérité en vérité, donc, parce que Alhamdoulilah, il était riche. Et il était donc donateur à la dunya, c'était rien du tout pour lui. Il était connu pour son adoration, que même si on lui disait tu vas mourir bientôt, il ne pourrait pas rajouter, pourquoi il ne peut pas rajouter? Tellement il est au sommet, tellement il est au top, hein, tellement il est au sommet de ses adorations, il ne peut pas rajouter, il n'y a rien à rajouter dans ce qu'il fait. S'il sait qu'il faut prier 12 rakas, Rawatib va faire 12. Si c'est que c'est comme ça, il va faire tout le temps tout ce qui sera donc au complet. Rahmallah ta'ala. قد سئل من الناس؟ قال العلماء. قيل فمن الملوك؟ قال الزهاد. قيل فمن السفلى؟ قال الذي يأكل بدينه. Donc ils ont demandé à Abdallah ibn Mubarak, rahmallah, qui sont les gens? Les gens réels, donc ceux qui ont le mérite de s'appeler réellement les gens, les hommes, ce sont al-ulama. Ils ont dit, et qui sont les rois? Ce sont al-zuhad, les athètes. Al-ladi, yani, ya'budullah azza wa jal, wa ad-dunya takiba. Celui en vérité qui adore Allah azza wa jal, la dunya vient après. Elle passe pas avant. Donc la religion, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qui sont les personnes bas? Ici, donc, ce type-là, les personnes qui seront basses dans cette vie d'ici-bas, c'est celui qui mange de sa religion. Il délaisse ça, il commet des péchés, il fait. Al-Wajhu, Al-Hadi, Wal-Mia. Donc, le point 101. Al-Ilmu, huwa Abdalul Khuzud. La science est la meilleure part. أن من أدرك العلم لم يضره ما فاته بعد إدراكه إذ هو أفضل الحظوظ والعطايا ومن فاته العلم لم ينفعه ما حصل له من الحظوظ بل يكون بالا عليه وسبابا لهلاكه. Donc certes, celui qui a profité ou celui qui a acquis quelque science, donc ce qui n'a délaissé ou ce qui n'a pas pu avoir ne va pas en vérité, donc en vérité lui faire du mal, le fait qu'il a pu l'acquérir, il a pu rattraper donc ce manque après l'avoir rattrapé. Et cela, bien sûr, donc cette chance-là est la meilleure des parts et le meilleur des dons que tu puisses recevoir. Et celui donc qui a profité ou celui qui a perdu de cette chance, qui n'a pas pu acquérir cette science, en vérité, ne profitera pas de tout ce qu'il aura eu de bon. Et plutôt que ce qu'il a eu de bon, c'est plutôt des fois contre lui, et voire même c'est des fois une cause de sa perdition. Parce que tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir de la santé, tu peux avoir des responsabilités, des biens. Des fois des choses qui peuvent être aux yeux des gens bien. Mais si tu n'es pas muni de science, comment tu œuvres? Comment tu vas en vérité agir, réagir par rapport à ce bala, par rapport à cette ici-là? Que Allah t'a donné. C'est un ibtila, l'argent. C'est un frère, c'est un ibtila. L'ibtila, c'est Allah qui le dit dans le Coran. Le frère et le mort, tout ça, c'est des ibtila. Ce qu'Allah t'a donné, des biens, de l'argent, des terres, tout ce que tu veux, c'est en vérité des épreuves de la part d'Allah. Donc, par quel moyen tu vas en vérité gérer cela? Il faut que tu gères cela par la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et toute chose, responsabilité, il a khiri. Donc, ça peut être mauvais pour toi. Et ça peut être des fois une cause de ta perdition. وفي هذا قال بعض السلف أي شيء أدرك من فاته العلم وأي شيء فاته من أدرك العلم. Ce qui veut dire ici, ils disent, donc ils ont expliqué la parole d'avant, quelle chose la personne a pu avoir alors qu'en vérité elle a perdu la science. Et quelle chose la personne a perdu une fois qu'elle a eu la science. Une fois que tu as eu la science, tu as tout eu. Une fois que tu n'as pas eu la science, tu n'as rien eu. C'est ça que ça veut dire. T'as de la science, alhamdulillah, t'as tout. T'as pas de science, tu n'as rien. Al-Wajhu, Al-Thani, Wal-Mia. Donc le 102e point. Al-Ilmu, Hayatul Qulub. La science est donc la vie pour le cœur. Qala ba'du al-Arifin. Donc certaines personnes de connaissance disent Alayhi al-Maridu. إذا منع الطعام والشراب والدواء يموت قالوا بلى قال فكذلك القلب إذا منع عنه العلم والحكمة ثلاثة أيام يموت. Vous voyez ce que disaient certains salaf au point, à tel point. N'est-ce pas que le malade, si on lui interdit donc de manger, de boire et de se soigner, dawa, donc le médicament, il meurt? Ils ont dit que oui. Il dit, donc cela est pareil pour le cœur, s'il a été interdit de science et de sagesse 3 jours, il meurt. Il va donc remplir en vérité son corps d'autre chose. Son cœur va, va s'éloigner, il va se remplir d'autre chose. N'est-ce pas que Sahaba, et Salaf Saleh, donc il termine le Coran en un mois, il le termine en 15 jours, il le termine en 7 jours, il le termine en 8 jours, il le termine en 3 jours. Des fois les gens en moins que ça. Des fois les gens en moins que ça. Il redouble de ça pendant le mois du Ramadan, et il redouble, et encore il va en plus redoubler de ça, donc pendant les 10 derniers jours. Voilà, des fois les 10 derniers jours c'était une khatma par jour. Une khatma par jour, pourquoi? Parce que Ramadan c'était, hein, donc c'était le masjid du matin au soir et la nuit. Masjid. Il sortait à peine pour manger un peu et c'est tout. Hatta que, donc c'est un shir de Saoudia, shir âgé à Riyad. Il est âgé, il a dit, je me souviens quand on était petit, le thé. On le ferme, on le met dans l'armoire. Avant, ils, il n'y avait rien en Arabie Saoudite, il y a 70 ans. Ils n'étaient pas riches. Ils mangeaient les dattes, le beurre, ils avaient quelques petites choses. Le riz, il venait d'Égypte. Il y avait des choses qui venaient d'ailleurs. Ils mangeaient ce qu'il y a. Donc, ils faisaient même le thé enfermé. On prenait même, on s'amusait, on passait pas notre temps, hein, à s'occuper à faire le thé, qui peut prendre du temps. Non, on passait au moins 10 heures par jour dans la mosquée. Donc, c'est normal qu'une khatma, elle puisse faire. Parce que 10 heures par jour, tu peux lire beaucoup. Tu vas lire énormément. Ils ont passé au moins dans la journée 10 heures. Sans compter de Tarawih et compagnie. C'est là ce qui vient après. Tarawih est ce qui viendra après. Ils passaient beaucoup, énormément de temps. Alors imaginez-vous, ça c'est il y a 70 ans de ça. Imaginez-vous, un des salafs, comment c'était. Comment c'était. Donc, ils ne laissaient pas en leur cœur donc se nourrir d'autres choses. Donc il dit, il dit vrai. فَإِنَّ الْعِلْمَ طَعَامُ الْقَلْبِ وَشَرَبُهُ وَدَوَاؤُهُ. C'est vrai, car la science est la nourriture du cœur, ainsi que sa boisson et son médicament, son remède. وَحَيَاتُهُ مَوْقُوفَةٌ عَلَى ذَلِكَ. Et la vie de son cœur, elle s'arrête à cela, si tu vas pas te nourrir, donc, ou de boire, ou de te soigner par la science. Si tu passes pas par là, ton cœur va mourir, va prendre un coup. فإذا فقد القلب العلم فهو ميت. Donc c'est certes si le cœur donc perd la science, il va mourir فهو ميت. ولكن لا يشعر بموته. Et ça c'est important. ولكن لا يشعر بموته. Comme on ressent pas, on dit ben non, mon cœur n'est pas mort. Alhamdulillah, je continue des fois à les saluer, ceci, cela. Je continue ça. Mais des fois, il n'est pas mort dans le sens que tu n'es pas un ميت du sens kafir. Tu es un ميت par rapport à un corps. À le faire refuser par la science. C'est pas le meyit, le cœur mort, comme on connaît le cœur vivant, et le cœur malade, et le cœur mort, maintenant, non, le cœur vivant et le cœur mort. C'est pas ça. Dans le sens mort, dans le sens il n'est pas musulman. C'est pas ça. Mais simplement, il tue son cœur par le fait de ne pas apprendre, mais sur sa religion. Donc il ressent pas cette mort. De la même façon que celui qui serait sous, et dont donc la raison est partie. Yannizel a appelé où? Comment on va comprendre ça? C'est qu'en vérité, il ne va peut-être commettre des péchés, il ne va même pas remarquer ses péchés. Il ne va pas sentir la crainte d'Allah dans ses péchés. Donc c'est ça le cœur mort. Il va faire des choses, des fois c'est des maubirats. C'est des choses, ce sont des périls, ce sont des choses graves, et pourtant il ne ressent rien dans cela. Alors qui fait partie de ceux qui prient, de ceux qui jeûnent, qui ont sûrement fait le hajj et l'akhiré. وَالْخَائِفَ الَّذِي قَدْ إِنْتَهَا خَوْفَهُ يَنِي خَوْفَهُ إِلَى غَيَتِهِ إِنْتَهَا خَوْفَهُ إِلَى غَيَتِهِ. Et celui qui a fortement peur, qui arrive au sommet de la peur, imaginez vraiment une peur très, très forte, il est perdu, donc il ressemble à celui-ci. وَالْمُحِبْ وَالْمُفَكِّرْ قَدْ بَطَلَ يَحْسَاسُهُ بِأَلَمِهِ Jurouhat, fit-il tel hal? Même pour celui qui aime fortement, et celui qui réfléchit fortement. Alors il ne ressent plus, il n'y a plus de ihtes. Il ne ressent plus en vérité, donc, c'est-à-dire ceux qui viendraient le blesser, en ce moment-là. Faïda sahou, wa adou ila hal il yatidel, adraku alama. Lorsqu'ils guérissent, ou lorsqu'ils commencent à redevenir en bonne santé, et ils commencent à être stables, donc en ce moment-là, ils ressentent. Et là, ils ressentent quoi? Donc le alam. Donc en vérité, les mots qui sont donc à travers donc ces paroles ou ces pensées, hein, donc ces paroles ou ces croyances et aussi ou ces donc actions. Al-Wajhu al-Thalith wal-Miyah. Le 103e point. Al-Ilmu jihad. Qala Abu Darda, radiallahu anhu, من راى ان الغدو الى العلم ليس بالجهاد فقد نقص في رايه وعقله. Et ça, c'est une bonne réponse à beaucoup de gens qui disent al-jihad al-jihad al-ilm. Là, al-mujahidoun à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque des salafs, et les contrées qui ont été ouvertes et tous nos pays qui sont devenus musulmans, c'est lorsque mujahidoun l'ouvrait, qu'est-ce qu'il faisait après? Il mettait le tapis rouge à qui? Au ulama, pour qu'il vienne enseigner. Intaha. Hein? Leur but était terminé, leur travail était terminé. Certains moudjahidines qui n'étaient pas ulama, ils ouvrent et les ulama ils viennent enseigner aux gens. C'est comme ça que ça se passait. C'est comme ça que ça se passait. Et jamais un moudjahid ne se voyait donc au-dessus d'un alim. On n'a jamais vu ça. Jamais. Donc vous voyez, regardez ce qu'il dit à Abu Darda. Celui qui voit que le fait de partir maintenant le matin dans la science, ne fait pas partie de la djihad, a donc diminué, et donc il est donc lui-même diminué dans sa vision des choses et dans son raisonnement. Il a une vision et un raisonnement diminué. Il y a aussi une parole de Mu'ad qui ressemble à cela, radiallahu anhum ajma'in. Al-wajhu rabi'u wal-miya. Donc le 104e point. بين العالم والمتعلم قوله أيضا العالم والمتعلم شريكا في الأجر وصائر الناس همج لا خير فيهم. Regardez comment des fois on voit certaines choses qui sont dures, certaines paroles qui sont dures, et on le retrouve dans le رواه عبدالله بن أحمد, donc عبدالله بن أحمد dans زوائد الزهد, Abu Nu'ay, Ibn Abd al-Barr, al-Darimi, Ibn al-Mubarak, al-Zuhd, l'imam al-Zuhri, fil akhlaq wal ulama, pour montrer que ces paroles doivent se propager. Rawah ibn Majah, Ibn Abi Shayba, l'imam Ahmed, wal Hakim, wa sanaduhu Hassan, wa sahahu al-Busayri, et d'autres encore, pour montrer cette parole. Pour donc montrer donc ici donc cette parole-là. Donc il dit, العالم والمتعلم شريكا في الأجر. Le savant et celui qui donc l'élève sont donc associés dans la récompense. Et les gens de façon générale, hamaj, donc ça peut être sauvage, ça peut être donc ça dépend. Ils sont en vérité donc c'est comme s'ils n'étaient pas structurés. La khair akhim. Alors qu'il y a du khair dans eux par rapport à la salat, par rapport à du khair de comme ça. Mais dans le sens que man yuridillah bi khairan yufaqqihu fi ddin. Et on connaît que dans ma famille Mukhalafa, comme disent les ulama. Donc celui dont Allah veut du bien, il lui fait comprendre la religion. Celui dont Allah ne veut pas du bien, il ne va pas lui faire comprendre la religion. Et des fois, il s'égare dans je ne sais quoi. Ils vont s'égarer donc généralement dans des bidars. Dans du shirk, c'est pas juste des femmes dans des bidars. Parce que celui qui ne sait pas, il ne sait pas. Il ne sait pas qui fait du shirk. Il ne sait pas qui fait des bidars. Il ne sait pas qu'il est dans le ma'asi. Il ne sait pas que ça s'est fait, ça s'est haram. Le haram chez lui des fois est haram, et le haram chez lui des fois est haram. Donc c'est pour ça que c'est hamadji. L'akhir akhiri. Donc il est bien de connaître ce qu'on fait. On ne demande pas beaucoup de science, mais on demande d'avoir science et connaissance de ce qu'on fait et de ce qu'on dit. C'est ça l'important. C'est pas le fait d'avoir beaucoup, c'est le fait de faire bien. C'est le fait en réalité de faire bien. El wajhu, el khamisu wal miya. Donc le 105e point. كالمجاهد l'étudiant en religion, celui qui recherche la religion est comme le mujahid. مرواه أبو حاتم ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من دخل مسجدنا هذا ليتعلم خيرا أو ليعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله ومن دخله لغير ذلك كان النازري إلى ما ليس له. Donc ce qui a été rapporté par Ibn Hibban dans son Sahih, dans son authentique, et ce hadith rapporté par Abu Huraira, il dit qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire celui qui entre dans notre mosquée, imagine le Nabawi, afin d'enseigner, il est à Allah, ou d'apprendre une science, ou d'enseigner, il sera comparable au Moudjahid fi sabilillah, et celui qui entre dans cette mosquée pour autre que cela, il compare à celui qui regarde quelque chose qui ne lui appartient pas. Il regarde. Il voit la bonne chose, mais il n'en profite pas. Il regarde. Il voit. Donc il a vu ça, il ne sait pas si, fait juste partie en vérité des gens qui regardent. Parce que celui qui est assis, à ce moment-là, il est en djihad. Il est en vérité donc en djihad. Parce que c'est clair qu'il faut djihad nefs. Tout le monde sait que s'asseoir, écouter les dates, hein, c'est un djihad nefs. Il faut faire des efforts. T'as mal au dos, faut écouter, faut être concentré, faut noter, faut apprendre. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Beaucoup de gens n'arrivent pas. Beaucoup de gens, en cours de chemin, déposent donc le bilan. El wajhu el sadisu wal mi'a. Le 106e point. Iwa illah subhanahu wa ta'ala. Iwa urrahi subhanahu wa ta'ala de talib al-ilm. Donc le fait qu'Allah va donc vers l'étudiant en religion. Donc ici, toujours donc Ibn Hibban dans son sahih, une hadith dit Thalathati alladhina intahaw ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa huwa jalisun fi halqa. Ce sont trois personnes qui sont arrivées donc au prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il y avait une halqa, il y avait une assise. Fa'aradu a'rada yani ahaduhum, a'rada ahaduhum. Hein, c'est détourné, il est reparti. Il a repris son chemin, il est parti. Wastahya al-akhar. Et un a eu honte, il s'est assis donc loin, par honte. Fajalasa yani khalfahum, il est resté donc derrière eux. Wajalasa al-thalithu fi furjatin fi al-halqa. Et le troisième s'est assis là où il a trouvé donc un endroit, c'est-à-dire dans l'assise. Il a trouvé un endroit où il pouvait s'asseoir, il a pris la place. Il a pris place. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أحدهم فأوى إلى الله فأواه الله. Il y en a un qui a été vers Allah. Donc il est comme s'il demandait refuge à Allah. Et alors le refuge, parce que donc lui donne ce refuge-là. أما الآخر فليستحي أو فاستحيا فاستحيا الله منه. Il a eu honte et Allah a eu honte de lui. Parce qu'on sait bien qu'Allah est à l'image de ce que l'on donne à Allah comme image. Il sera l'image de ce qu'on va donner de lui, subhanahu wa ta'ala. وَأَمَّا الْآخَرَ فَأَعْرَضَ. Tandis que l'autre se détourne. فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ. Et Allah s'est détourné de lui. L'i'rab, des fois, donc les ulama ont dit que l'i'rab, c'est le fait juste de ne pas profiter de la science, ça rentre dans l'i'rab. Juste le fait de ne pas profiter, ça rentre dans l'i'rab. Et comme le dit Mouraqim Rahmallah, il dit فَلَوْ لَمْ يَكُنْ طَالِبَ الْعِلْمِ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ يُؤِيهِ إِلَيْهِ وَلَا يُعْرِضُ عَنْهُ لَكَفَ بِهِ فَرْلًا. Il dit seulement, si seulement il y avait pour l'étudiant que le fait qu'Allah le prend, donc le fait qu'il se réfugie vers Allah, Allah accepte son refuge, et le fait qu'il ne se détourne pas de lui, cela est suffisant. Ça suffit comme bienfait, comme valeur, comme bienséance. الوجه السابع والمئة من فضائل العلم وأهله. Parmi les bienfaits de la science et les gens de la science. ما رواه كميل بن زياد النخعي رحمه الله قال أخذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه بيده. Koumet, c'est un sahabi, ça, pour ceux qui peuvent me... Faut pas que je dise de bêtises. Koumet, c'est un sahabi ou pas? Ça? Je pense tout sur la tête que c'est un sahabi. Il n'y a personne qui peut m'aider? Allah, on va vérifier. Inch'Allah, je dirai ça au prochain cours, Inch'Allah. Parce que ça me... Et moi, je vous dirai ça, Inch'Allah. Donc, vous connaissez sûrement cette parole, parce qu'elle a été expliquée dans un livre. أخذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه يعني بيدي فأخرجني ناحية جبانة الجبانة donc علي رضي الله عنه m'a pris par la main. Il est sorti avec moi donc dans un endroit qui s'appelle جبانة, c'est en hauteur. فلما أصحر جعلني يتنفس. Lorsqu'il est arrivé donc à un certain point, il a commencé à respirer, à donc prendre sa respiration. ثم قال يكمل بن زياد القلوب أوعيةٌ فخيرها أوعاها للخير. أو زياد. Donc, au Koumen ibn Ziyad. Certes, les cœurs, ce sont des récipients. Et les meilleurs de ces récipients, c'est celles qui, donc, retiennent le mieux les biens. C'est ceux qui vont mieux retenir, donc, les biens. C'est celles qui vont mieux retenir les biens. Tout ce qui est bien. Ihfad, anni ma aqul. Apprends de moi et protège de moi ce que je vais te dire. Annasu talafatun. Donc, les gens sont au nombre de trois. Il y a trois catégories de personnes. Fa'alimun rabbani, un savant éducateur, rabbani, wa muta'allim ala sabil an-najat, et celui qui enseigne dans la voie de, du fait d'être sauvé, an-najat, donc c'est dans la voie du fait d'être sauvé. Wa hamajun ra'a atba'ahu kull na'iq. Et hamaj, hamaj c'est un peu comme le sauvage. Ra'a, celui en vérité qui crie, celui en vérité qui ramasse et qui suit tout personne qui crie. Ça lui suffit. Et les gens, c'est vrai, c'est ça. Ils remarquent même pas qui est en face. Ils peuvent pas savoir si la personne en face dit vrai ou pas. Mais Mourid, il parle bien. Adalaïf, nous, ce qu'on veut, c'est pas qu'il parle bien. Est-ce qu'il dit vrai? Il doit dire vrai. Sinon, c'est quoi ça sert? On va le quoi? Le mettre dans une balance. Et la balance, c'est être un ou sunna. À la fin, c'est la personne qui a des koumas. Sinon, c'est pas la peine. C'est pour ça que même Shafi'i et d'autres ont dit même si la personne vole devant moi, comme on fait certains sahirs, ou marche sur l'eau, je ne prendrai pas de lui. Ça, c'est pas une kalama, comme le croient certains. C'est-à-dire, Allah, il aime bien parce qu'il vole, ou il marche sur l'eau. Parce qu'il y a des gens qui font ça. La crise, c'est des shayatins. Je ne prendrai pas pour lui que s'il me prouve, qu'il est droit, donc, non, avec le Coran et le Sunna. À ce moment-là, je dirais que c'est une kalama. Mais si un ami qui rend l'écoute du Sunna, il fait ce qu'il veut. Il sort ce qu'il veut de ses mains, de sa poche, de ses jambes, de ce qu'il veut. Mais en vérité, tant que la personne ne sera pas conforme au Coran et au Sunna, ça ne sert à rien. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à ça. Ali ibn Rabbani, ici, Ali ibn Rabbani, il donne un prêt, il donne une condition. Un savant éducateur. Un savant qui éduque. Un savant qui n'éduque pas, ou un savant qui n'est pas en pratique, il ressemble aux juifs. Le savant qui. Ou bien celui qui n'a pas de science et qui fait n'importe comment dans la pratique ressemble aux chrétiens. Donc attention à cela, c'est des choses qui sont importantes. C'est ça qui va te sauver, tu vas se faire connaître, savoir qui est qui. Donc on muta'allim ala sabil an-najat, quelqu'un qui va donc enseigner, quelqu'un qui suit la voie, donc sauver quoi. Wa habaj, donc celui qui suit n'importe qui. Yamiluna ma'a kulli rish, il penche avec chaque vent. C'est un roseau. On va l'appeler le roseau. Le roseau, le vent, il pousse là où il veut. Il plie. Le roseau se plie selon le vent, il le ramène. La personne ne doit pas être un roseau. Tu as, alhamdoulilah, donc une raison. Tu as une raison, tu as un cœur. Et tu vas vérifier si ces choses-là sont réelles. Avec quoi? Avec une misaine. Le Coran la Sunna, comme les compagnons, y compris les compagnons du prophète. Donc, là, ils ne se sont pas éclairés, ils ne se sont pas illuminés par la lumière de la science. Donc ça veut dire en réalité, binul ilm. Ils n'ont pas pris science. La ilma lahum, kalam, papa. Sachez que si ce n'est pas du ilm, c'est du kalam. C'est pour ça qu'on dit ahl al-ilm ou ahl al-kalam. C'est ou l'un ou l'autre. Parce que vous, yaqulun, yaf'alun, ma, la yaqulun, donc yaqulun, yani. ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون يقولون ما لا يؤمرون ما لا يفعلون. Pourquoi? Ils disent ce qu'ils ne font pas et ils font ce qu'ils n'ont pas été ordonnés. Parce que tu dois dire ce que tu as été ordonné. Ça ne peut que c'est avec quel ils parlent, c'est tout. Comme a dit le prophète en parlant de ces gens-là. يقولون ما لا يفعلون. Donc c'est avec quel c'est un délire qui font partie des gens de la parole. Voilà. يلجأوا إلى ركن وثيق. Et ils ne sont pas réfugiés l'oujou. À quoi? Au pilier donc sûr, au pilier donc qui est solide, wafir, qui est en vérité sûr, et ça c'est l'ilm qui est authentique. L'ilmu khayrun min al-mal. La science est meilleure que l'argent. Wal-ilmu yahrusuka wa anta tahrus al-mal. La science te surveille, te protège quoi. Donc elle te surveille pour te protéger. Et toi tu surveilles l'argent, tu recherches Donc ces bienfaits, lorsqu'on dit l'argent, on parle de tous les bienfaits, de tous les biens. Et l'ilmu yasku ala l'infaq wa fi riwaya ala l'amal wa l'mal tanqusuhu an-nafaqa. La science augmente, hein, lorsque tu donnes cette science, lorsque tu arrêtes, tu vas faire propager cette science, ça t'augmente. Donc c'est un rajout pour toi. Tandis que l'argent baisse lorsque tu la dépenses, elle diminue lorsque tu la dépenses. Al-ilmu hakimun wal-malu mahkumun alayhi. La science, donc, c'est lui qui juge, c'est un verset, une sorte de juge. Tandis que le mal, tu vas être jugé donc par rapport à cela. Mahkumun alayhi, dans le sens où on est jugé sur lui. Wa mahabbatul ilm dinun, hein, yudanu biha. Tandis que aimer la science, c'est une religion à partir de laquelle donc on met en pratique wal-amal, donc yudanu biha, c'est-à-dire que on dit, on reconnaît que cette science-là, c'est vraiment notre religion. Wal-ilmu yuksibu al-alima ta'ata fi hayati. Et la science va donner au savant quoi? Elle va faire en sorte que le savant va obéir à Allah Azza wa Jalla dans sa vie d'ici-bas, dans sa vie. Wal-jamila li-ukhdusa. Donc ici aussi, donc, ça sera cette science-là, en vérité, même après sa mort, avec le hel, donc c'est quelque chose de beau donc, pour lui. Et tandis que l'argent, donc c'est-à-dire cette personne-là, celui qui a de l'argent, ou celui qui a des biens, une fois qu'il n'y a plus d'argent, donc il n'est plus considéré. C'est ça. C'est qu'en vérité, il n'a plus de valeur, il n'y a plus de sous. Il est terminé. Et vous le savez bien. On a des exemples. Wall Street. Tous ceux qui gravitent à Manhattan, Wall Street et compagnie, dès qu'ils n'ont plus de sous, ses copains d'avant, c'est plus ses copains. Ça, là, là. C'est comme ça. Et ça, c'est ce qui se passe, malheureusement. On a été touché par ça. Les musulmans sont touchés par les pires de ceux qui courent après l'argent, les Yahoud. Les gens qui protègent l'argent sont morts alors qu'ils sont vivants. Ils sont morts alors que pourtant ils vivent toujours. Mais en vérité, tellement ils protègent l'argent qu'ils en sont morts. Alors que c'est un oui, ah, c'est un mal pour lui cet argent-là. Si ça avait, c'est un charge pour lui. Wal ulama baquna ma baqiyad. Et les savants restent tant que la vie continue. Là, s'il est mort, on parle que de lui, c'est terminé, l'argent elle va chez les autres. Nassalem, alors que même il est mort alors qu'il est vivant. Ça, c'est le ulama, il y en a qui sont morts depuis des siècles, Al-Bukhari, Muslim, qui vous voulez, parmi les ulama que vous connaissez, ils sont toujours vivants dans le sens, ils sont toujours restants, hein, on va toujours les mentionner, on va toujours revenir à eux, alors que pourtant ils sont morts, tant que la vie demeure. Ayanuhum, yani mafkouda, wa amsaluhum fil qulub mawjouda. Donc ceux qui sont comme eux, en fait ils sont un peu mafkous, ils sont rares, ils sont perdus. Ceux qui sont donc leurs aides, ceux qui sont comme eux, ceux qui vont les aider. Et ceux qui sont comme eux, dans les cœurs restent, on les aime. Ils sont plus là, il n'y a plus de ulama. Ayanuhum. Quand il dit Ayanuhum, après bon, c'était pas, il y a dans le sens Awanuhum, je me suis trompé, mais Ayanuhum c'est leurs exemples, Ayanuhum, ou bien Hum, Ankusuhum. Eux-mêmes ne sont plus là. Donc c'était pas ceux qui disaient à point. Donc eux-mêmes ne sont plus là. Et leurs exemples sont donc toujours vivants dans nos cœurs. Ha ha, dit après. Inna hauna in ilman. Wa ashara biyadihi la fadrihi. Certes, ici, il y a de la science. Donc il a montré, si Ali Ibn Abi Talib, que la science est là. Lo asabta lahu in hamna. Fait asabtahu laqina ghayra ma'mun alayhi. Yastamilu alat ad-din lid-dunya. Donc il parle comme qu'il y a des gens donc, qui profitent de cela, et en vérité, ils profitent, ils ne sont pas sûrs, ce ne sont pas des gens en vérité qui sont ma'moun alayhi, ce ne sont pas des gens sûrs, ils veulent prendre la science, mais ce ne sont pas des gens sûrs, ils sont capables de d'emmagasiner, ça c'est vrai, mais ce ne sont pas réellement les vrais gens de science, parce qu'ils ne mettent pas en pratique, ils ne mettent pas en application. Ils utilisent donc l'ustensile de la religion qui est la science, pour la dunya, il rabbe la dunya, il veut profiter de quelque chose, il a donc un bienfait. Il y a pas de verrou, بحجاج الله على كتابه وبنعامه على عباده أو منقاضا لأهل الحق لا بصيرة له في إحنائه وينقضح الشك في قلبه بأول عارض من الشبه أو من شبهة. Donc lui, il va donc ici montrer, ou plutôt il va comment, donc comment on va dire ça en français, yastazhir. Donc le fait en vérité, donc le sens, il veut il veut se faire prévoir avec donc les preuves d'Allah Azza wa Jalla sur son livre, et aussi il veut faire prévoir, il veut en vérité être au-dessus des gens. Il veut en vérité se faire prévaloir sur les gens, parce qu'il est capable de mentionner certains versets ou certains livres. Et il veut aussi se faire prévaloir, c'est-à-dire je suis au-dessus de vous parce qu'Allah m'a préféré, hein, par rapport à cette grâce de connaître la science. Alors ça ne se fait pas. Chaque savant a toujours été humble. Et des fois, Nabi Sassan s'est mis au niveau du plus pauvre, s'est mis au niveau de tout le monde, du nouveau des compagnons, de l'enfant, il a créé. Donc il veut faire ça, il veut en vérité donc que les gens soient en vérité en tout de lui. Et en vérité, il ne veut pas donc cela pour il ne veut pas en vérité être en vérité donc au niveau des autres. Il ne veut pas en vérité être au niveau des autres. Et dès que ces gens-là, ils apprennent mais ils ne connaissent pas. C'est pour ça que dès qu'il y a un doute, et dès qu'il y a une choubha, une ambiguïté qui entre dans son cœur, il est perdu. Il a du ilm, il n'a pas de ilm, il a donc du hifz. Il n'a pas de ilm, il ne faut pas faire la même. Il faut faire donc la différence entre le fait de connaître des choses par cœur et le fait de comprendre les choses. C'est pas pareil. Donc lui, il a cette science-là, mais il n'a pas quoi? Il n'a pas le basira. Il n'a pas la clairvoyance de cette science-là. Il connaît par cœur. C'est du parcurisme. Donc dès qu'il y a une choubha qui le touche, il est perdu. La za, ou la za, ni comme ça, ni comme ça, il ne sait plus comment agir. Oh, man human, il la za, on dit, salisa el qaya de shahwat. Donc en vérité, lui, il aime, ou il est perdu, il sombre, et il périt dans tout ce qui est la za, dans tout ce qui est en vérité plaisir, et il est enchaîné et suit les shahwat, il suit les passions. En Morgan, Bijami Amwar wa Iddiha, il est perdu là aussi, encore une fois, il a coulé. Donc il est vraiment imprégné donc, du fait de ramasser de l'argent et de l'économiser, de protéger les biens et l'économiser. Ce qui compte pour lui, c'est Jam, il a libéré les tafakkur. L'État, min du'at al-din, il ne fait pas partie de ceux qui donc, sont appelés justement à la religion. Ce ne font pas partie de ceux qui appellent à la religion. On prend des exemples. Cheikh Hafez al-Hakami rahmoullah. Imaginez-vous. Donc il est mort à l'âge de 35-36 ans, rahmoullah. Il a écrit. Lorsqu'on voit ce que Cheikh Hafez al-Hakami a écrit, rahmoullah, dans tous les domaines, on ne s'imagine pas qu'il est aussi jeune. On voit que des gens qui ont un niveau, donc des grands savants, n'ont pas écrit autant que lui des fois. Rahmallah, donc, vient le voir, Al-Malik Abdelaziz, Rahmallah. Faisal, Rahmallah. Il va le voir chez lui dans sa maktaba. Hein. Et il lui dit, est-ce que tu as un salaire? Il dit non. Donc, il donne l'ordre d'avoir qu'il y ait un salaire mensuel. Continue à apprendre la science, à enseigner, et tu auras un salaire. Il lui donne donc l'âme Maliki, l'ordre du roi, ceci, cela, donc un papier officiel. Il le met dans un de ses livres, il le range dans la maktaba. Il l'oublie toute sa vie. Quelqu'un est capable d'oublier un salaire toute sa vie donné par le roi lui-même. Tellement il n'y pense pas à la dunya, tellement il est plongé dans la science. Dunya, c'était rien pour lui. Jusqu'à ce que X années après ses enfants retrouvent cette feuille, donc ils ont un droit, ils vont chercher leur droit, et alhamdulillah, ils vont acheter terre et maison. Imaginez, tout l'argent qu'il y a eu dans toutes les années, tout ceci, là, ils ont pu acheter donc terre et compagnie. On a regardé un petit peu. Donc les gens comment ont-ils? Il y a un chiffre qui enseigne le Coran midi. Même chose, il enseigne le Coran. il vient jeune en Arabie, il ne vivait pas en Arabie. À l'époque, maintenant, il est vieux. Il vient, il n'a pas les papiers, on l'expulse au pays, il revient à pied. Il revient à pied, il apprend, il enseigne le Coran, jusqu'à ce qu'un jour, il rencontre donc quelqu'un bien placé au pays, qui lui donne la nationalité, c'est avant, c'est facile d'avoir la nationalité, c'est plus facile d'avoir que maintenant, bien plus facile. Il prend la nationalité, jusqu'à ce qu'un jour, donc des gens lui construisent une maison, il ne le sait pas. Il lui donne vraiment quelque chose de dépannage, vraiment quelque chose de très très très simple, très simple. On lui dit voilà ta maison. Il dit c'est pas la route de ma maison, c'est pas le chemin. On change de chemin, on le ramène dans une nouvelle maison. Il ne cherche pas après. Il ne court pas après la dunia, mais c'est la dunia qui court après lui. Je connais bien ce moment-là. Alors lui, c'est des histoires, il ne s'arrête plus. Je suis Albani en là, je suis Martin en là, je suis Abel en là, et d'autres en ont. Parce que ce sont des savants, donc, qui œuvrent pour Allah Azza wa Jal, et Allah Azza wa Jal facilite donc ces choses-là dans la dunia. Donc voilà, voilà, du Hatchetin, comment ils sont. Ils ne courent pas après, mais c'est la dunia qui court après. Tout ce que les autres, c'est eux qui courent après la dunia. Ils le disent, certains, ils même ne se permettent de dire, tu m'as jamais invité, tu m'aimes pas. Il veut juste faire inviter, et je viens avec le panier vide, je veux que le panier soit rempli, je veux ceci, je veux cela, pour me donner la baraka, je vais faire du rap, pour me donner 50, pour me donner 100, pour me donner 200. Les gens devraient réfléchir à cela. Ça, c'est éphémère, ça va mourir. Donc, les gens qui appellent à la religion dans leur âge, très bien voir, et sachent qu'ils fassent attention à cela. Akrabou Cheyenni. شبهت بهم الأنعام السائمة. Donc voyez un petit peu par quoi les ressemble. Il les fait ressembler donc les animaux, hein, les plus donc qui ne parlent pas. Donc en plus ça sont c'est des animaux qui ne parlent pas et en plus qui sont gras. Ce sont ceux qui leur ressemblent le plus. Ils disaient que Yamut al-Ain dimot hamili. C'est pour ça que la science meurt par la science de celui qui la porte. Allahumma dala. Donc l'âne تخلو الأرض من قائم الله بحججه لكي لا تبطل حجاج الله وبيناته. Donc certes que la science, ou plutôt la terre, ne va jamais donc être en vérité dénuée, c'est-à-dire il y aura toujours quelque part, donc celui qui va montrer les preuves d'Allah Azza wa Jal, afin que ne soit pas annuler et anéantir donc les preuves d'Allah Azza wa Jal et ainsi que ses éclaircissements, hein, du bayinato, ou laïka, elle okhlul, adadan, ou al-a'zamun, indallahi, qilan. Donc ce sont en vérité donc les akhlul, à point, ou laïka, elle akhlul, adadan, ou al-a'zamun, indallahi, qilan. Ceux qui sont peu en nombre, ceux-là. Et ce sont ceux qui sont donc ceux qui disent en vérité les meilleures choses auprès d'Allah. A'zamun 'inda Allah qilan. Bihim yadfa'u Allah 'an hujajihi hatta ya'udduha ila mudara'ihim. À partir d'eux, Allah repousse, donc va repousser donc ici, c'est-à-dire ou bien va défendre ou va montrer donc ici ses hujaj, ses preuves, afin qu'elles arrivent. Elles vont arriver à nos varim, à ceux qui veulent discuter, à ceux qui sont dans, donc justement dans les débats, sur là, ceux qui débattent par rap, débattent par autre chose que la science. Ils ont du djinn, beaucoup de djinn, comme on a dit du fil, du djinn, ils utilisent le rap, la raison, ou bien des rêves, ou bien haddathani qalbi an rabbi, mon cœur m'a dit à partir d'un autre, mon cœur me dit qu'Allah est dit, des choses comme ça. C'est cela nos varim, hein. Donc ces gens-là vont leur montrer les preuves, elles vont leur arriver. Yazra'ullah fi qulub ashbahihim. Donc ils vont, donc Allah Azza wa Jalla fait germer cette science-là dans le cœur de ceux qui leur ressemblent. Wa hajama bihim al-ilm ala haqiqati al-amr. Fa salamu li ma istawra'u bi ici. Donc on voit que Ali ibn Abi Talib a utilisé donc des mots quand même qui sont mashallah, il y a des fort, tu vois. Istawra minhu man al-mutrafun wa anisu bima istawhasha minhu al-jahilun wa sahibu ad-dunya bi abdanin arwahuha mu'allaqa bil malal a'la ulaika al-khulafa khulafa Allah aw khulafa Allah fi ardihi wa du'atuhu fi ila dinihi ha ha shawqa ila ru'yatihim wa astaghfirullah li wa lak. Il a chuté par Rome. Donc il termine ici. Donc il dit bien ici, que la science donc, est venue chez eux, donc de par la vraie façon, par la vraie force, à la haqiqat al-amr, haqiqat al-amr. Donc elle est venue en vérité donc, par la vraie façon. Et aussi donc afin de quoi? De montrer donc à ceux qui ne connaissent pas. Et aussi ils ont donc donné, lorsqu'ils ont donné en vérité au Juhel, donc lorsqu'on généralement qu'on ne connaît pas, on est mal, on n'est pas bien. Par notre ignorance, donc il y a le wahsha qui vient. Et là ils sont venus enlever le wahsha, ils sont venus en vérité tout ce qui est hein, donc stress, tout ce qui en vérité est mauvais dans le cœur, ils viennent guérir en vérité cela. Il ramène quelque chose de nouveau. Et on voit que dans la vie d'ici-bas, leur cœur et leurs âmes sont accrochés à quoi? À ce qu'il y a le plus haut dans l'au-delà. À ce qu'il y a le plus haut. On voit qu'ils sont toujours attirés par ce qui est plus haut. Ils vivent avec ça. Ce sont eux, donc les successeurs d'Allah, les khulafa, hein, sont eux les successeurs sur cette terre. Et ce sont eux qui appellent à sa religion. Et c'est pour ça qu'il dit Shawqan ila ru'yatihim. Si j'ai envie de les voir. Donc je désire, j'ai un fort désir de quoi? De les voir. Et après il dit Astaghfirullah li walak. Donc comme si c'était la fin de la khutba. Et si tu veux maintenant, donc lève-toi. Donc en vérité, il a expliqué. Donc ici, il a mentionné, on a bien vu, deux catégories de personnes. Les vrais ulama et ceux en vérité qui jouent. Donc faut pas croire que tous ceux qui appellent à la religion sont automatiquement donc véridiques et sincères dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on tu retrouves donc on peut retrouver cette parole donc dans le Hiya li Abi Nu'aym. Donc dans le Hiya li Abi Nu'aym. Donc on va s'arrêter là. Barakallahu fikum, subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.